Épisode 1. Jeudi. Vous avez dit bizarre. Vous avez déjà regardé le monde autour de vous en vous demandant ce qui n'allait pas ? En ayant l'impression que quelque chose se cachait derrière les apparences familières ? Est-ce que vous avez déjà remis l'entièreté de votre existence en question suite à la simple découverte d'un pot de sauce tomate dans la boîte à gants de votre voiture ? Non ? Moi non plus. Jusqu'à ce jour fatal où j'ai soulevé le couvercle de la casserole bouillonnante de la réalité et que je m'y suis brûlé les yeux. Je m'appelle Matteo Razzoni, lieutenant de police. Et tout a commencé un jeudi matin où, comme à mon habitude, je veillais à la paix et à la sécurité de mes chers concitoyens. Oui. Oui, non, mais comprenez que je peux pas décemment arrêter un perroquet aussi désagréable soit-il. Hein ? Mon quoi ? Mon numéro de matricule. Monsieur, on n'est pas à la télé là. C'est la vraie vie, d'accord ? Bon, je vais raccrocher. Je vous préviens. Pour le perroquet, arrangez-vous avec votre voisin. Allez, je raccroche. Si, je raccroche. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce qui m'a pris de compter jusqu'à 3, moi ? T'es qui ? Quelqu'un de très seul, j'imagine. Comment ça ? Non, rien. Karim ? Ouais ? Il reste du café ? Bah oui, je pense. Ouais. Et t'irais m'en chercher un ? Bah non. Quoi non ? Bah je vais pas aller te chercher ton café, ça va pas ou quoi ? Vas-y toi-même, moi aussi j'ai du boulot là. Oh. Tu sais que de ma place, je vois l'écran de ton ordinateur ? Ah, ça c'est... C'est rien ça, c'est les... Tu sais, je faisais des recherches sur les... Mm-hmm. Tu veux du sucre, tonton, café ? Non, merci. Vous êtes bien aimable. Ta gueule. Matteo ? Le chef veut te voir. Ouais ? Quoi faire ? J'en sais rien, sûrement pour ton beau sourire. Ou alors, elle a besoin d'un deuxième avis sur la déco de son bureau. Ah, ça va, j'y vais. Il grommelle dans sa barbe de 3 jours... dont la nécessité radiophonique ne vous échappera pas, tant il est vrai qu'une fiction sonore sans repère visuel est aussi absurde qu'un hélicoptère sans petite bande bleue sur le côté, et se dirige vers le bureau. Entrez. Bonjour, Adonis. Je préfère Matteo. Oh, moi, je préfère pas. Asseyez-vous. C'est à quel sujet, chef ? Vous êtes très occupé en ce moment ? Là, j'allais traiter la plainte d'un type dont le voisin l'empêche de dormir en jouant du violon toute la nuit. Je comptais lui suggérer de s'acheter un tuba pour l'accompagner. Donc, rien d'important ? J'en déduis que vous n'êtes pas musicienne. J'ai besoin que vous alliez enquêter sur une... un cas. Enfin, je sais pas très bien comment le définir, justement. Mais voilà, comme vous aimez les trucs bizarres, je me suis dit, tant qu'à faire... Non, les trucs bizarres ? N'importe quoi, j'aime pas les trucs bizarres. Radzoni, que lisez-vous en ce moment ? L'influence des Rose-Croix sur la céramique angevine du XVIIIe siècle. Étude critique. Voilà. Non, mais ça n'a rien de bizarre. C'est... Il est interrompu par un geste de la chef, que l'on entendra grâce au frottement de sa chemise bleue pâle à fine rayure, 90% coton, 10% synthétique, ni particulièrement froissée, ni particulièrement repassée. En remontant ce qu'il croyait être un trafic de drogue, les types des stupes sont tombés sur une cache contenant 50 kilos de ramen. De ramen, c'est... Oui, les bouillons de nouilles japonaises, en sachet, 50 kilos. Ainsi qu'une collection de sabres en bois et des symboles étranges dessinés sur un mur. Et pourquoi aller creuser cette incroyable découverte ? Il y a aussi des traces de poudre et toute une série de tracts... Comment dire ? Bizarre. Voilà. Bizarre, si vous voulez. Non, moi, je veux rien du tout. Bref, j'aimerais que vous jetiez un œil là-dessus. Vu l'ambiance actuelle, on préfère vérifier. Voilà tout ce qu'il y a à savoir, c'est-à-dire pas grand-chose. Elle lui tend un dossier en carton, vert, foncé. Votre confiance m'honore. Allez, du vent, j'ai du travail. Chef, oui, chef. Le café de votre seigneurie a refroidi. Veuillez pardonner votre humble serviteur. Oh, toi, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, je sais pas encore, justement, mais je sens que ça va nécessiter d'aller dehors. Avec la pluie qui tombe depuis ce matin, j'aimerais pas être à ta place. Oh, t'inquiète pas, tu y seras pas. Tu seras juste derrière. Quoi ? Tu viens avec moi. J'ai besoin de quelqu'un et t'as rien à faire. Mais c'est faux, j'ai plein de trucs, hein. Je pense à prendre mon café. C'est évident. Il était indispensable qu'on soit deux pour cette investigation de haut vol. Mmh. Hein ? Comment aurais-tu fait seul pour explorer l'entièreté des 22 mètres carrés qui nous entourent ? Sans compter les deux placards et la cabine de douche. Un travail de titan. Karine ? Tais-toi. En plus, j'ai la dalle avec cette histoire de ramen. D'ailleurs, c'est quoi ce délire ? 50 kilos de ramen, c'est quoi ? Un banquet pour étudiants fauchés ? C'est justement ce que j'aimerais comprendre. La vache ! Quoi ? On est mauvais à ce point, tu crois ? À quel point ? Au point qu'on nous mette sur l'affaire du siècle. Le mystère des ramens oubliés. Un temps, le doute plane. Un ange passe. Un pigeon vole. Embouteillage aérien. Tais-toi. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah ouais, la chef m'avait parlé de tracts. Asta dente pastafarisme. C'est quoi ce délire ? Pirates de tous bords, avec ou sans horizon, rejoignez-nous gaiement, sous l'œil bienveillant du monstre spaghetti volant. Marre d'être pris pour des nouilles ? Venez partager la vérité d'un monde bouilli à 100 degrés Celsius, avec les ravioles de gambe tous les mercredis, de 19h à 21h, dans la cafétéria de la salle des fêtes pour le sacrifice rituel de Bolognaise. Pasta luego, camarade. Alors là, je retire ce que j'ai dit. On est à ça de démanteler un réseau criminel d'envergure. Tu te rends compte ? Toutes ces sauces bolognaises innocentes sacrifiées ? On fait voir. Ouais, ça explique les sables de pirates. Mais pas la poudre. Les sabres de quoi ? Hein ? Rien, laisse tomber. Oui, bah je te demande que ça, moi. Sauf que quelqu'un se sentait pas de taille à affronter seul les sacrificateurs de Bolognaise. Sacrificateur. Ça se dit, ça ? Ça sonne bizarre quand je le dis. Scary ? Non. Sacrificateur. Bizarre. C'est bizarre. C'est un mot bizarre. Regarde. T'as vu ça ? C'est qui sur la photo ? Le député, là. De la Palice. C'était au milieu des tracts. Et derrière, il y a son adresse et sa pasta cible. Écoute, ça ressemble juste à une mauvaise blague, rien de plus. Regarde, ils lui ont même fait une fausse moustache et un nez de clown. Peut-être, mais il a reçu suffisamment de lettres de menaces depuis son délire sur les crèches. De quoi ? Quelles crèches ? T'as pas suivi ça ? Non, les types comme lui me débectent, je suis incapable de les écouter plus de 20 secondes. Les crèches de Noël, là, le petit Jésus et compagnie, le mec veut carrément les imposer dans les lieux publics, écoles, bibliothèques, mairies. Ça passera jamais, ça. Ben non, il veut juste attirer l'attention, et ça marche. Mais bon, à part attiser les tensions entre religions... Ouais, bah je vais te dire. S'il se prépare un attentat à la carbonara ou un bombardement de cannelloni sur lui, je vais pas m'affoler. Y avait rien d'autre dans le placard ? Non, juste les tracts. T'as bien regardé ? Hein ? Bah oui. Matteo, c'est un placard avec une étagère. On est dans l'appartement d'adorateur d'un, je cite, monstre spaghetti volant, donc je ne crois pas qu'il y ait des doubles fonds dans les placards. On peut y aller maintenant ? J'ai faim. Attends, 2 minutes. Blague, Mathéo, sérieusement. Qu'est-ce que tu crois que... Clic. Clic. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une enveloppe. Une enveloppe ? Mais une enveloppe comment ? Une enveloppe bleue.